Farce éphémère. Non, avec ses babels, ses sanglots, ses fiertés, l'homme, ce pou rêveur d'un piètre mondicule, quand on y pense bien, est par trop ridicule. Et je reviens aux mots, tant de fois médités. Songez, depuis les flots sans fin d'éternité, cet azur, qui toujours en tous les sens recule, de troupeaux de soleil à tout jamais pullule. Chacun d'eux, conduisant des mondes habités. Mais non, n'en parlons plus, c'est vraiment trop risible, et j'ai montré le poing à l'azur insensible. Qui m'avait donc grisé de tant d'espoirs menteurs? Éternité, pardon, je le vois, notre terre, née dans l'universel aux annas des splendeurs, qu'un atome où se joue une farce éphémère.